Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Hind à Brésonc. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hind à Brésonc. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. On est rendu à l'émission 440. De quel mot tu vas nous parler aujourd'hui, Henri? Alors oui, 440, ça fait un chiffre presque rond, hein, ça commence à compter. Et voilà, donc, Per Han de Huygen. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un verbe qui est un peu, qui a une forme ancienne et qui est très utilisé aujourd'hui. C'est moulant. Moulant. Qui veut dire? Qui veut dire imprimer. Alors, au départ, moulant, c'est le même verbe qu'en français, le verbe mouler, hein. Ça vient du latin aussi. Par exemple, on disait moulant en amande, hein, pour le beurre, hein. Le beurre, on faisait des mottes de beurre avec des dessins dessus. Hein, ça, avec des tampons. Oui, avec des tampons. Hein, c'était, on peut encore faire ça. Hein, mais je parle au passé, mais ça pourrait se faire encore. Et il y a des gens qui le font d'ailleurs. Oui. Et donc, moulant, voilà. Et alors, dans le breton actuel, c'est quand même utilisé plus souvent pour imprimer. Imprimer, donc moulant. Alors, par exemple, moulant un livre, hein, imprimer un livre. Hein. Et alors, donc, il y a toute une famille de mots qui sont dérivés de moulant. Hein. Bon, la racine de tous ces mots, c'est moule, hein, qu'on trouve également en français, hein, un moule. Hein. Voilà, donc il y a une idée de compression, hein, et puis de reproduire quelque chose. Voilà, un moule, c'est quelque chose qui permet de reproduire un objet, hein, de façon identique. Et donc, en breton, donc moulant imprimé. Alors, il y a des verbes aussi, d'autres verbes qui sont calqués sur moulant. Par exemple, had voulant, réimprimé, hein, ou ei moulant aussi, imprimé pour la deuxième fois. Il y a aussi peur voulant qui veut dire achever d'imprimer. Mm. On voit ça sur les bouquins, hein, achever d'imprimer à tel... Associé à une date, quoi. Associé à une date, oui, voilà. Mm. Peur voulant, peur, hein, c'est le préfixe, hein, qui veut dire achever de. Mm. Et qu'on peut mettre devant beaucoup de verbes, hein, en breton pour faire un verbe, un nouveau, achever de faire quelque chose. Peur la bourre, peur dis qui braisonne, hein, bon, voilà. Donc, peur voulant, hein, imprimer, donc, finir d'imprimer. Voilà, donc le participe passé, c'est moulet, moule des baies de lever, le livre a été imprimé, moule des baies de braise, par exemple, hein, le livre a été imprimé en Bretagne, ou non, ou ailleurs, voilà. Alors, mouleur, bien sûr, c'est l'imprimeur, hein, mouleur. Donc, par exemple, on trouve ça au bas des feuilles volantes, parfois. Les feuilles volantes qu'on imprimait autrefois, par exemple, chez Alexandre Lédan à Morlaix, hein, moule de bâti Alexandre Lédan, bah, Montourlus. Voilà. Mouleur l'imprimeur. Alors, donc, oui, je citais Alexandre Lédan, hein, qui a été un grand imprimeur de feuilles volantes, hein, au siècle dernier. Au siècle avant-dernier, même, parce que quand on dit siècle dernier, maintenant, c'est le 20e, donc voilà. Alors, on a souvent aussi l'inscription, par exemple, sur les livres « Mouleur à Gimbander », c'est-à-dire éditeur et imprimeur. Les imprimeurs, autrefois, étaient souvent aussi éditeurs. Mmh. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu différent. En général, les éditeurs font travailler les imprimeries, mais ne sont pas eux-mêmes les imprimeurs. Voilà, ils sous-traitent l'imprimerie. Alors, moula dur, hein, c'est l'impression, le fait d'imprimer, ou même simplement l'imprimerie. Alors, parfois, on emploie ça au pluriel aussi, moula duriou, hein, les imprimeries, hein, parce que plus facilement qu'en français, hein, moula duriou, c'est une entreprise d'impression d'imprimeurs, quoi. Mouleres, alors c'est un mot masculin qui veut dire une imprimerie aussi, ou aussi une imprimante, hein, puisque aujourd'hui on utilise à partir de l'ordinateur, on utilise des imprimantes quand on veut faire un tirage papier, quoi. Mmh. Voilà. Une imprimante moulée. Mais en français, le mot est, en breton, je veux dire, le mot est masculin. Voilà. Donc, les verbes, j'en ai déjà parlé. Les verbes qui sont dérivés de moulade, hein. Peur voulant. Alors oui, peur voulant, pour, donc finir d'imprimer, le participe passé, c'est peur voulant, hein, comme le moule. Et puis, pour terminer, alors, moulap. Moulap, ça veut dire imprimable. Alors, imprimable au sens de technique, hein, ou au sens de l'autorisation. Mmh. Souvent, il faut une autorisation pour imprimer. Mmh. Par exemple, les bouquins de religieux devaient avoir l'imprimatur. L'imprimatur, c'est-à-dire, est autorisé par l'Église. Hein. Mmh. Et souvent, on a le nom du vicaire général. Par exemple, sur les feuilles de cantique, on a souvent l'imprimatur et puis le nom du vicaire général. Et souvent, on n'a pas le nom de l'auteur. J'enrage des fois, je me dis, c'est le nom de l'auteur que je voudrais connaître. Hein. Le vicaire général, ça m'est bien égal, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, imprimatur, hein, c'est l'autorisation d'imprimer, quoi. Voilà. Alors, à ce moment-là, on peut dire moulable, c'est imprimable. Et ben, là-dessus, on va s'arrêter. Merci, Henri. On passe à la deuxième partie d'émission. Présentez tant m'attend. Seconde partie de Enter Brezhoneck. Brezhoneck attend avec toujours notre Chandic là qui est parti faire un reportage sur le cidre avec Iwan. Voilà. Iwan Nango, non, comment c'est celui-là? Iwan Dantec. Dantec. De Skerblay. Oui. Qui est le producteur de cidre de Zantoluk. Hein. Voilà. Alors, la dernière fois, je crois qu'elle venait juste de rentrer dans le pressoir et voir un peu comment ça se passait. Et là, ils sont en train de voir un peu la fabrication, quoi. Ah, Petra Vegret Gonner Juk Iwan. La côte véhomme en balouer you dire de Virvin, dondera un togwaleigne à gehor ya de trou. Goudézé, vela que der gisclair balouer you el de beur Virvin. A poézé de vergiste, véchenomza. Ya evel juste, a pévé erur poéz wardro mil pemzek, vela que bavoutaio, a douvis waler ve presse de verzon. Dabiou ve gwerzet argiste. Oh, beur psormod ve gwerzet, dondera tut de glace grandement. Hendel Vegwerz Bastalio Krampus, met de tadoye vos chopinat chonik? Don't anyone, don't.

troisième partie d'émission, Petra Zoneve Ervro Eri. Ma calce draug zone Ervro, Boervé, je dis vous en, Krogon, de Dientan et Velcustum, Gandelar Bourdou, Aragervu et Warermez. Ayon vraiment ban 10-40 ans, bon, mais t'as vraiment un homme zorezo beclou à roi, même zé betom ba mis Gwengolo, hag tostaram vraiment de zorgouan, à zoroar chanche un homme zorontandeket, hag vouyin or un drou. Bon, vide là pour douar, marément zo bid madoir velar en vide un trevadou, mais cas de gudé nous zo même sera, da square ba Jocelyn, bon, ou accudé nous gan un til à remords ba. Pas Jocelyn, justement, là. Gad, hein, un petit gad. Hag, bon, radlan, c'est des bédens trop, mais j'y vois calze d'une de scole de l'arbre. Hag, bon, zézon draval, et vel juste, draistol, bah, bah, non tiers, vel, vel Jocelyn, hein, l'air, ne ce que calze l'arbre, et d'elle. Bon, wardash, un trévadou, maïs, au bézère, trévras, madoir, de ce musclève, d'agouel, rend, bon, qu'a et tout de maïs, au zère, bon, bavro. Hag a dit ce vocat vet boué des vies de londe de pas de gouan. Un DL oua va djerien, vel bepla, voir djerien. Hag alz a zo begouel et kalz du, da kalz diezek. Hag bon, bedon hor an dro, am beska vet ze brau, concours a yezek. Hag histin oua bad, histin rosten. Futur bepla veka vet histin rosten, hag bon, ze zo mat. Bon, hag, bon, va gollaret bavoir diarien, hein, vel bavoir vulat zo bet calze du de blanc meroas. Warda chenor politikeres, bon, chouloir en trau, marément, pu dur et tramne de, vota d'ego et vide de camper et gauze, hein, pu dur ezé sénat. Mais presti de vos clèves da cro, a gwell roise, politique courion au freshen, pu dur vos, tosto, vota d'ego et vide un département chou aga rand vroyo. Aga bon aze n'est que quals clair un trou, un warank de pesabo de vos comptes, puis dur bon n'est que clair un trou vide Antonio, aga gwel de vos pesabo de vos comptes, puis dur velar de un département chou bon de chomon ket gwal belchin, bon rand vro avec gwar roas aga vos stag bronon et pele voket, joar ne voket. Bon, gwal arrête zo calz. Quand je trouve un homme qui est clair, ou un d'acheneur politique, et à zagar vota d'égo. Bon, un DL, moi, comme je tard, de ce, manifestat de Guabé, de vide, une vanilleuse braise, de l'arrêté de Goul, et vide Goul, VFB hashtag de Bronan, de ce braise, Hendel, à garstrol, à diba, besoin honte de zével, vota d'eux, ben, au barous, de ce Bronan, de Zanvio, zo piderlé de Zanazer. A goule vaut qu'on en dude, bah, une contente de chom, bah, broyo, ligue, velvelard, pétramon de vond de vreis. A que, bah, fine mise du vaut grazé, une très grande de ce vise du vaut grazé. A vota d'exé. Nevesso, bah, comme un député, tu vis chom wardache et leur politique, bah, comme un député, doit bête de vote de lesen, videné à l'arguilles. Les enze wakinig quand un nitron royal ils ont une cargue de zenendro hag bon bon tram de mode hein lesen mais vraiment vos rond vos red de lesen tram de bacamp regos alors c'est énorme à personne hag az un nez que tiens clair en trop un peu dur un petit crin zo bromen ben tu gwen bon quel vos pesamo de vos con dans mon temps wardash en zevena dur bromen un DL ouais, t'en en an, Pierre Toulhoit. Pierre Toulhoit, zo den, au narzour de zevro, hem oa onegla a perrugen, hag oa chom ba kemper, hag, Pierre Toulhoit ne zbegred au bern trou, hein, bon trou in hour, trou in erhan, céramiket, hag ivig gwerlivet. Da skwer, an deus gred gwerlivet ve gwelet ba iliz melkarez. Ma treize un peu jonge, mais on a un peu ce que jonge, car vous aurez eu, bah, ou abed, ed un temps, bah, Ilis Melcarez, bah, bla, trise gatrugen, 1973, in Galak, hag, puyo, agred un temps narves, hag, bon, au refusé, un deux un temps narves, ou a quid, ou a rendon, hag, lacan un temps, ban don, hag, bon, c'est tu, ou ed un temps, ban Ilis, hag, en de gruise, guerlive, ou abed, strak et tout, C'est-tu ouahed, bon, vid hadzevel nilis, had ober gwerlivet, a oa begoulout gant pierre tout l'ouat, ober gwerlivet. Hag un deus gred, gwerlivet, bra ou ker, bra tri, ba ilis melkarez. Hag an sem, du ren deus oant, devel pe sa sort, gwerlivet, vije gred gant pierre tout l'ouat, n'en ke me mont de ilis velkarez. Bon, puis je rends compte de stud et de nanan, Maria Lambourg, en sens des rois Maria Marshall, mais tout du de l'art et Maria Lambourg aussi, leur plat de ce brovigouden, ce vrai des vaisseaux de nanan, quand la tribe la loi, puis tribe la quand ma personne, avec bon 11 ou 12 ans de plat, autour d'une ref, BMD, bah, brovigouden. Alors, on avait des bêtes, quand on brûlait, on vit dans le tipiac. Donc, je peux, ma treize ne sait. Avec un goël, on a un mède. Bon, alors, plat, spiré de tré, ou, plat, c'est, fentus, spiré de. Bon, il me bande des bêtes, des vaisseaux, guerrier dur Françoise Vallée, guerrier dur de The Brazon, au gazo pigne vitré, vraiment, au moyen de brain, guerrier dur The Vid, d'où euro à d'où hugen. Bon, à revoquer votre calze droit ou éveil juste, vide réseau d'idées, n'est-ce qu'on a représenté. Bon, et d'elle, puis vieux, on commence de ce brésonne, que calze gentelio brésonne, que végrette, on tombe bébler bavro, blanc me végrette de bacalac, basan Nicolas barostren, à bromen vaudigour de gentelio brésonne, que batré malgat. Bon, quand stal en osteliri, quand kevriligues en osteliri, hag bon, presting me zang, vos grèdes d'ivé, bah, boulevriag, hag en sé, gwell arrête vraiment zo moyen, dont de heu kentelio brezon, le gant tombe pebler, a zé zo mat. Wardash en religie, on n'aur pas Paul Hoer, a zo bet de hangved en DL, den eurus, galag, bienheureux. Jonge meuse, vigélarde de ze Charles Blaise, hein, ou a den eurus, hein. Dénérus, autre ou Charles Blay, quand il fait quand, bah, grâce. A gond dénérus n'est que d'orzon, hein, ma personne, et on dén à zo lac de war hen d'orzon télès, mais de n'est que trêve l'orzon me mestra. Bon, Paul Hoer ou à être de Bob, ou à l'air, yon tri, Warnugan, Jean 23, in Galak. Hag ze oa ba bla triugen, hag mar oa ba bla eis, non, triver a triugen, ya. Pelar in bad. Bon, c'est tu un den eurus mur. Bon, n'est-ce que gwal belzo, enfin, un de ou man oa be de lid de Hugen Vladi, lycée d'Iwan, Bacarez, hein. Hugen Lasso, a Bédigor de lycée d'Iwan Bacarez, a Zézobé d'un droit, Bouez et Veljust, et vide, Brezon, de Gag et vide, Vro. Hag, chance la rendez de Deren, hein, puis dur, lycée d'Iwan Carrez, au nom de Zeri Wellanzo, Brohal Bromen. Bacarez, zo, vos prestig, hein, un disco esadak, Diwar Ben Bu et Yun Guernig, hein, Honors Bruded, hein. À der mat veo obligea dire de Hatcleve de quand en Ewan Guernig, hein, peut dire, vit dans le mewa au honneur de Zeri Dianton, hein. Bon, pételar en d'arroas. on y, y a, au labour vest, on zobe gred, ne vaisseau, quand, Jean-Jacques Monnier, arrazo historour, ag, hag gant Olier Caillebotte zo so, film Ozer hag an engred plade enfin ya plade nou war plade nou de velet hein, de téléfilm a peson hag bad tos de roer war Istor Breiz hag ar zo moyen de velet hein, wa, ur film ze gant galag vid ur mare a vo gret pres signe brezon hein. Ah, c'est tu ré niveau rond de ou de mur drogue ou voir histoire braise halosella de until films bon c'est tu même vrai on tombe trop à pessonner les bavro truc aérien quel michel ya tiens en végel.